Monastère. Rien n'est à préserver et rien n'est à détruire dans cette chambre de pierre. Seule l'épouse de l'ombre peut y sculpter le temps.